ça fait TP, ça crie aha. Et dans le haut, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M d'Energo, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, on voit la droite, ça fait TP, ça crie aha. Dans le haut, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M d'Energo, Magadji, c'est Petrushka. J'fais des boulettes et des cratères, normal c'est de la frappe. A cheval sur la canne bière, torse nu comme Poutine Vlad. Basse torse dans la cabessa, y'a des kilos de peuple dans les balisas. J'suis à Ibiza, des bouteilles en fusillade, j'ai cramé la visa. Et ça fait spasi, va bolchoy, vodka, coca, das, vidania. Fume de trois par de mon pétou, tu te retrouves au monde de Narnia. Pas le même vécu, pas le même pécu, pas la même sécu, pas le même chrome. J'arrive comme Tony, j'arrive comme Zepet, armé comme dans la cité des hommes. Dans la zone, avant la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Et dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M d'Energo, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, avant la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, cherche le AK. 5 Chanel, M d'Energo, Magadji, c'est Petrushka. J'roule la paix, tout est bête, hein. Si tu brilles trop, on t'éteint. J'roule rabat entêté sur TikTok, Twitter entêté. J'prenne pas un Phuket en PP. J'mets les lits dans poussette du bébé. Ça tape, j'vais tout jeter dans l'évier. Pour la xoxo, oui, ça va péter. En jogging sur un deux temps. J'encaisse souris, Didier Deschamps. J'peux rapper, j'peux tes chants. J'peux jouer en attaque et en défense. J'fais si, j'fais 100, j'fais 1000, j'fais 100. Débile, méchant, cassos d'éther. Pas de chip, pas de grand, pas de chip, pas de danse. Fardi que j'avance, cassos d'éther. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Et dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka. RS3, 4K cool, un traceur, charge le AK. 5 Chanel, M d'Energo, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, on voit la drogue, ça fait TP, ça crie aha. Dans le hall, j'suis sous piche, j'suis sous terre, sans la vodka.